Alain Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les grandes gueules du jour, Alain Soral, Olivier Truchot, Sophie Menton, Karine Zeribi, tout à l'heure, Smaïn, le grand retour, le comeback, comme il le dit lui-même à partir de 13h. Smaïn donc en direct, si vous voulez discuter avec lui, il n'y a pas de souci, au 32-7. Toujours à offrir, puisque nous sommes les Pères Noël, un lecteur DVD à celui ou celle d'entre vous qui sera le plus pertinent. C'est graveur ou pas, le lecteur? Ah, il y a marqué que lecteur, là. Si c'est graveur, c'est déjà de la délinquance, hein, je suis désolé. Mais je crois qu'il lit les formats que tu télécharges, en plus, en lecteur. Un graveur, c'était pourquoi réfléchissez. Allez, venez en discuter avec nous de tous ces sujets d'actualité que nous passons au crime dans les grandes gueules. Et si vous êtes bon, si vous êtes, vous, très bonne, pas de souci, le lecteur DVD, il est pour vous. Que faire pour lutter contre le racisme et la violence dans les stades? Les pouvoirs publics s'interrogent et ont visiblement trouvé un certain nombre de solutions. Alors Dominique de Villepin, je le disais, le ministre de l'Intérieur, tient une réunion cet après-midi avec à ses côtés Jean-François Lamour, le patron de la Fédération, le patron de la Ligue française de football. Et Dominique Perben, le garde des Sceaux, annoncera un certain nombre de mesures la semaine prochaine. On sait déjà une chose, Olivier, notamment le renforcement du pouvoir des stadiers. Il y a deux décrets qui vont être pris. Le premier décret va permettre de préciser le rôle des stadiers qui auront donc des droits nouveaux, notamment celui de fouiller les supporters. Et puis le second décret va permettre de donner plus facilement des informations sur les condamnations qui ont été décidées par la justice aux responsables des clubs. Comme ça, ils pourront effectivement faire appliquer plus facilement l'interdiction de stade. Et puis ce matin, dans le Figaro, Frédéric Thiriez, qui est le président de la Ligue, heureux depuis qu'il a fait jackpot. il a à Canal plus 600 millions d'euros pour la saison prochaine, mais c'est un autre domaine. Donc Frédéric Thiriez, sérieusement, fait une autre proposition. Il va encore plus loin. Il dit il faut atteindre la tolérance zéro dans les stades. Il est pour la présence de policiers en civil dans les tribunes des stades. Ouais, on est en train de transformer les stades de foot en quartier haute sécurité, Karim Zeribi. La police sur le terrain. Ben non, mais il faut prendre des mesures très, à mon avis, draconiennes contre ce fléau-là. Hein. Je veux dire, en Angleterre, ils s'y sont mis, c'était pire que chez nous. Hein. En Angleterre, on avait un hooliganisme qui était infernal, c'était la folie, quoi, je veux dire. Donc il y avait des bagarres en dehors du stade, avant les matchs, pendant, je veux dire. Et puis, ils ont pris des mesures, des caméras dans les stades, des sanctions très fermes au niveau de la justice. Et puis maintenant, les gars font gaffe, ils sont fichés et tout, je veux dire. Il faut au moins qu'on prenne nos responsabilités. Mais je vais vous dire, on parle du football professionnel. Mais ça part aussi de l'amateurisme, tout ça. Hein. Je veux dire, parce que si on interdit le stade à des fous furieux, à des petits nasillons, donc ils vont aller voir les matchs amateurs, ils vont nous foutre la merde. Hein. Mais il y a déjà des problèmes de violence dans les matchs amateurs. Donc il y a un vrai travail éducatif avant tout qui part des clubs amateurs et qui doit se prolonger dans la société française sur ces questions-là. Tenez, quand on a une banderole sur Georges Weah parce qu'il a quitté le Paris Saint-Germain, disant ça le nègre, machin et tout, mais c'est tenez, mais c'est la folie. Et les présidents de clubs, ils font quoi là? Ils acceptent ça? La tribune le Cop Boulogne là où il y a que des petits nazis qui tendent le bras. Moi quand j'aimerais bien que le président du PSG prenne des responsabilités, qu'il leur autorise l'entrée du stade à ces gens-là. Là on sait qu'il y a toujours eu une stratégie très faux cul parce qu'en fait les hooligans dans le virage derrière les buts font partie de la stratégie de victoire parce qu'ils déstabilisent le gardien, il faut savoir. Oh non. Non, je ne présente pas. Pas un pro. Ils jettent des piles sur la gueule des mecs quand ils font des corners. Ils font des bruits de singe quand le mec gardait le but et jetait des bananes. Moi, j'ai interviewé le gardien de but, Bell, à l'époque. Joseph-Antoine Bell. Quand je travaillais pour Monsieur Ardisson à Entrevue, parce que j'ai travaillé très longtemps pour Monsieur Ardisson, j'en parlerai tout à l'heure, il me disait que déjà, ça faisait partie d'une stratégie de l'équipe adverse de déstabiliser par tous les moyens. Il faut pas oublier que les hooligans, ils sont toujours dans le virage derrière le gardien, derrière le gardien inverse, là où on tire par exemple les corners. C'est là que les passes sont les moins chères, c'est là que tu peux te sauter dessus. Et on se dit, ça optimise la possibilité de gagner le match. Sophie de Menton, pas du tout sur la violence dans les stades. Moi j'ai deux questions, parce que je vous écoute parler de questions extrêmement techniques, et je suis pas très au fait de ce que. Oui, mais enfin si j'ai un peu technique, il y a deux questions que je me pose. Premièrement, pourquoi c'est le foot qui génère des violences pareilles? Tous les autres sports. En rugby, moi. Oui, pourquoi les autres sports ne génèrent pas ça? Et deuxièmement, j'ai lu ce matin, où j'ai entendu que c'était impossible de mettre des flics visibles, en tout cas en uniforme, dans un stade, parce que là, ce serait un bain de sang. Un carnage, oui. Et alors, je ne comprends pas du tout comment... C'est pour ça que Thiriez parle de police en civil. Et pourquoi est-ce que maintenant, je veux dire, c'est dramatique, si on ne peut même plus mettre la police et la montrer dans un stade, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, c'est les deux questions vraiment que je me pose. Au-delà du... Une crainte qu'il y ait un bain de sang comme elle fonctionne en police, je pense tout simplement qu'il y a une notion aussi, je pense qu'il y a une notion de, je crois, de propriété de stade et autres, ils rentrent que quand il y a un trouble avéré à l'ordre public. Ils ne rentrent que dans ces conditions-là. Pourquoi le foot? Pourquoi le, le tennis? D'abord, on a joué la carte du hooliganisme en très longtemps en France et maintenant on est débordé, mais on l'a joué. Ça veut dire quoi, jouer la carte Les clubs, ils savent très bien que les supporters inconditionnels qui ont abonnement à la etc., c'est en général plutôt... Ça fait vivre les clubs, aussi. Et ça fait vivre les clubs, et ça déstabilise l'équipe adverse, parce qu'on fout la trouille quand même, etc. D'accord. Et ils ont joué cette carte-là pendant très longtemps, j'ai étudié le dossier profondément, notamment au PSG, etc. Je peux vous dire que je ne raconte pas de conneries. Deuxièmement, la violence sur le terrain dont on parle pas. C'est que le football moderne ne donne pas l'exemple. Je veux dire, il y a énormément d'actes de violence comme c'est le PAC, etc. Les attaquants, les techniciens, on leur casse les pattes, et c'est une science de casser les pattes des joueurs. Bah oui, bien sûr que oui. Mais si, attends, Karim. Et reconnaît qu'il y a de plus en plus de violence sur le terrain. Tout, pas du tout. Et même l'arbitrage, je mets l'apologie du pas vu pas PSG, c'est plus. Arrête-toi. Même l'arbitrage, il y a des embrouilles sur le terrain, il y en a pas. C'est pas vrai. Même l'arbitrage fait l'apologie du pas vu pas parler à on n'est pas dans les tribunes, ni dans le Cop Boulogne, ni dans le virage de l'OM, ni dans celui de la Lazio de Rome. Allons-y doucement. D'autant qu'aujourd'hui, là, pour parler des mesures, on a besoin de sérénité. Karim, vas-y. J'en parlais après le PSG-OM, puisque j'ai participé à Louis Attac, on en parlait avec Louis, et on a même fait le constat, effectivement, que sur le terrain, les choses étaient extrêmement bien passées. Depuis quelques années, il n'y a plus d'embrouille comme il y en avait. Je te parle pas de PSG-OM, Karim. Non, mais je te parle là, le match le plus chaud de l'année. Je te parle du comportement, effectivement, de certains footballeurs professionnels, très qui sont donc professionnels, qui sont payés pour jouer au foot, et qui se comportent pas bien sur le terrain. Et souvent, les sanctions ne sont pas assez fermes. La tolérance zéro doit également régner dans les matchs. Tu parles de PSGOM. Je vais te dire un truc sur PSGOM. Mais seulement les réactions d'abord par SMS. Celle de Jean-Marc, du GERS, premier Jean-Marc. Salut Jean-Marc, je suis supporter de rugby. Je n'ai jamais vu de violence gratuite et bestiale au rugby. Les joueurs de foot, ça rejoint ce que disait Alain Soral, Denis, devraient d'abord montrer l'exemple sur le terrain. J'adore le rugby car contrairement au foot, c'est un sport noble et un vrai sport d'homme. Réaction aussi de Cari par SMS. Messieurs les stadiers qui fouillent dans les stades, c'est pas nouveau à Saint-Etienne par exemple, ça se fait depuis 5 ou 6 ans. À Marseille, au Vélodrome, ça se fait aussi. Et simplement, tu disais tout à l'heure, le dernier PSGOM, souviens-toi d'un incident quand même au dernier PSGOM, c'était Fabrice Fiorez, ex-joueur du PSG qui a signé à l'OM, qui essayait de tirer les corners et qui se faisait bombarder par les supporters de Paris Saint-Germain. Ouais. Ce qui était inadmissible parce qu'il devait y avoir des policiers autour de lui qui le faisaient. Attends, simplement une chose. Que propose-t-on aujourd'hui? Jean-François Lamour, le ministre des Sports, dit ce que l'on peut-être on devra faire si jamais cela se reproduit, comme ça s'était produit pour Luis Figo quand il était parti du Barcelone, je crois, on arrête le match et le match très bien. C'est en tout cas on est allé beaucoup plus loin. Non. Pourquoi tu dis non? Tu donnes raison à ceux qui effectivement foutent le bordel. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais on est mesure contre ces gens-là. On va pas sanctionner 40 000 personnes. On peut pas. Je suis pas d'accord avec vous. Didier a un exemple à donner. Didier a son opinion à donner dans les grands jeux. Économiquement, c'est démagogique. Didier, oui. Didier, bonjour. C'est même toi qui aura le mot de la fin, Sophie. Oui. Bonjour les grandes gueules. Bonjour Didier. Bonjour à tous. Oui, ben voilà, je voudrais réagir suite aux mesures qui ont été annoncées par le ministre. Donc j'ai vraiment peur quand je vois qu'on veut donner beaucoup plus de pouvoir aux stadiers, parce que on sait ce que c'est les stadiers. Il y a eu récemment des incidents à Marseille qui ont agi comme de vraies milices du temps de Monsieur Boucher. Quand Monsieur Boucher les envoyait dans les tribunes pour venir se battre avec le virage nord. Pour enlever des tribunes qui étaient pour enlever des banderoles qui étaient contre lui. Je veux dire que les stagiaires, ce sont des personnes comme vous et moi. C'est privé quand même, il a raison. Et Didier, ça veut dire qu'ils sont, ils sont pas formés du tout. Quand on envoie des CRS, je veux bien, mais quand on envoie des stagiaires qui sont des personnes comme vous et moi. Didier, vous avez raison, effectivement, faut pas mélanger les choses. Les stadiers ne sont pas des policiers, ils n'ont pas le droit d'ailleurs d'interpeller quelqu'un. En revanche, ils auront de nouveaux droits, avec notamment le droit de fouille qui sera généralisé, mais pour ça, il faut les former, les stadiers. Faut pas prendre n'importe quel clampin pour faire ce boulot-là. Didier a raison, parce que là, les stadiers, apparemment, parce que Didier aurait été utilisé pour aller faire le ménage, parce qu'il y avait une banderole contre le président. Et on peut quand même, en tant que supporter, parce qu'on paye l'entrée du stade, dire président démission, quoi. On a quand même le droit. Ouais. Ça ne se fait lécher. Tu parlais tout à l'heure. Il y a le racisme, mais il y a aussi ce que Supporter a le droit de dire en termes de mécontentement. Tu parlais de l'exemple britannique où ils étaient confrontés à du hooliganisme vraiment extrême. Et je vais donner l'exemple de ce qui s'est passé là encore avec un jugement. Trois hommes avaient insulté Dwight York, un joueur black anglais de Blackburn, si je me souviens bien, de Birmingham. Ils ont été bannis des stades de foot. Tu sais pour combien de temps, Sophie de Menton? 5 ans. Ils ont pris 5 ans d'interdiction. Mais de Grande-Bretagne, et en plus, l'un des types qui s'est fait interpeller a dû signer dans le Sun, le quotidien britannique le plus populaire, une tribune dans laquelle il écrit, avec sa photo, « Le racisme n'a pas sa place dans le football, ni nulle part ailleurs. Je suis profondément désolé pour la peine que j'ai causée. » C'est super. À New York. Pourquoi on le fait pas chez nous ? Moi, je trouve ça très bien. Pierre, je comprends pas pourquoi ça devient de plus en plus bestial, le foot. C'est contestataire, vous êtes en train de raconter. Non, mais attends, Karim, c'est pas le sport. Je trouve au contraire qu'un sport, c'est quelque chose de sympathique. C'est un jeu. C'est un jeu, le foot. C'est un jeu, mais c'est un business. C'est un jeu. C'est un jeu qui a dépassé le cadre du jeu. Ce que je veux dire. On n'a pas dit ça. Et ensuite, une fois que vous aurez tranquillement, puisque vous adorez tellement ça, c'est une passion, il n'y a qu'à vous entendre, vous adorez tellement ça, qu'une fois qu'on aura arrêté tous les matchs quand il y a de la violence, et ben tout le monde s'écrasera parce qu'on aura besoin du foot. Excusez-moi, je pense que la violence au football est la conséquence de la violence de la société et pas l'inverse. C'est-à-dire que le football ressemble à la violence de la société. Pourquoi c'est que là ? Parce que c'est le sport le plus populaire. Parce que dans les stades, il y a plus d'argent, un phénomène d'emballement. Le rugby, c'est beaucoup plus technique. Les supporters de rugby sont des spécialistes. Il y a moins d'argent. Il y a une autre culture. Il y a moins de prix. Il y a dans plus d'éducation. Il y a des gens qui viennent pour le beau jeu et qui viennent simplement pour Olivier, crier. Il y a un des mesures pour les amateurs aussi, monsieur le ministre. Tu as raison. Pas que pour les pros. Tu as raison. Vas-y, Olivier. On termine par deux réactions plein de bon sens. Fatou, tout d'abord, je ne comprends pas cette violence et cette rivalité entre les camps. Pourtant, dans chaque club, il existe dans chaque club des joueurs d'origine différente. Alors pourquoi ces rivalités? Et puis Patricia, observez ce qui se passe dans les autres sports. Chez les enfants, c'est souvent les parents qui ont un comportement hystérique. Ils insultent les enfants, les autres parents et les arbitres. Fouiller les gens à l'entrée des stades n'empêchera pas la connerie humaine de ressortir dans les tribunes, écrit philosophe Fanfant par SMS au 61-068. Dans un instant, on parlera des restaurants et surtout de leurs toilettes. Premier guide qui recense à la fois la qualité culinaire des restaurants et surtout la qualité des toilettes. Bref, dis-moi comment sont tes chiottes et je te dirai si ton établissement est bon. D'accord pour qu'enfin il y ait un effort sur les toilettes des restaurants. Rendez-vous au 32-16. Alain Marchal, Olivier Truchet.